Maintenant, j'habite en France. Avant, j'habitais en Angleterre. Maintenant, je travaille en France. Avant, je travaillais en Angleterre. Maintenant, j'ai une maison en France. Avant, j'avais une maison en Angleterre. Maintenant, je parle français. Avant, je parlais anglais. Maintenant, je lis les journaux français. Avant, je lisais les journaux anglais.